The synthesis. Aussi puissant qu'un CDR, pépère, laisse-nous prendre place. C'est le beat, la 8 des bifs, pour 5-4, son qui fait mal. La dynamique est faux, ça retranscrit des faits. Au rap, on est agro, nos vies sont pas des contes de fées. Attends à l'érical, rien que je m'y colle, ainsi on le dégomme. Voilà pour perdre du temps, faites le son et mets la gomme. Et cousin, fallait que je te dise qu'on écrit quand les gens dorment. Fallait que je te dise que j'ai la dalle et le caractère d'un légionnaire. Plus qu'une passion, un besoin, désormais j'en défends. Pour arriver à mes fins, mon honneur, je le défends. La vie est un combat, alors à chacun sa combine. Moi j'ai choisi le plus rare, au bon du compte on sera combien. Souvent je dois redoubler d'efforts quand tout ce que j'entreprends s'écroule. Garder les pieds sur terre pour éviter que le soir je me saoule. C'est dans l'anonymat que je rate des pages, je gratte des places. Puis le départ, je claque les baffes pour la gloire mais pas les faves. Une OCB farcie en cône, mon icône. Moi je suis pas connu comme les discours de Lincoln. Les aventures de Clinton ou Boula Paris Hilton. Mais si t'as un microphone, vas-y Paris Hilton. Nous on s'en chargera, jour et nuit on s'acharnera. En espérant que ça marchera. Avec pour arsenal l'ambition et nagera. À la rage, à pied, à cheval ou à la nage. On bosse notre écriture, entre deux séances d'effriture. L'instru on la défigure. Featuring Pip Larry Desbap, une purturie de qualité n'est-ce pas. Celle qui tabasse la tête du triple sla. Celle qui t'envoie Fesma comme le produit de Sma. Dans ma chambre, je suis dans mon élément. Je songe à me faire entendre sans raconter des mensonges. Je veux pas être idolâtré, juste apprécié pour mes chansons. Posé sur des méchansons. Mes paroles, aucune cellule ne les emprisonne. Aucune censure ne les impressionne. Pas de temps à perdre, trop de choses à dire à faire. Je mise tout sur le son et nique sa mère si ça foire. Je dévoile des textes authentiques, c'est la compile. Ça sort du 5-4, autant dire M6, c'est la complice. Les lettres qui s'expriment, attention, ça fait mal. C'est du rap à l'état pur, l'ami, les faux M6 s'écartent, s'écrasent. Toujours dans l'ombre, je kifferai que la lumière m'éclaire. La musique, un second souffle dans une vie où le quotidien m'écœure. Alors fais tourner le son et mets ça fort. Trop d'ampleur, ça pète les compteurs. Ça arrive à grande vitesse, ça percute les commères. Faut que ça fasse trembler ta commune. Je gratte tard le soir, ma rime s'affuse. Jour après jour, sur la basse, ça fuse. Faut que tu puisses dire dans le 5-4, ça assure. Ça rassure. Défoncer le son, tout niquer avec la charge, la plume. Mon son vise toujours plus, faut que t'en deviennes accro. Je te la porte à l'état pur, rien à foutre si t'as eu la chrome. The synthesis.